Bonjour. Bien, on va faire un petit bout en co-animation. On est tous les deux de Convergence Garneau. Nous, on n'a pas un aussi beau projet. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne de code de programmer. C'est simplement des projets en des open source, des idées. Là, présentement, à Convergence Garneau, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça bouge un petit peu là, au niveau des gens. Donc, on élabore des projets en open. On a une volonté d'aller en open source. On a des projets qui touchent aussi les données ouvertes. Vous êtes les spécialistes à Québec. Nous, on commence un petit peu à toucher à ça, mais c'est pour avoir un peu votre avis. Va vous mettre en contexte. En même temps, on a annoncé en fait notre présentation des données ouvertes versus l'employabilité. Puis pour ça, ben nous. On a comme une idée d'un CV 3.0. Dans le fond, on veut revisiter l'employabilité avec les données ouvertes. Puis on va vous mettre un peu en contexte, justement, en vous parlant des organismes auxquels on fait partie. C'est Convergence Garneau. En fait, Convergence Garneau a beaucoup de services. Dans le fond, c'est un centre d'expertise en évaluation puis en développement des compétences. Fait qu'il peut avoir toutes sortes de services comme l'évaluation de votre bagage professionnel, les cours ou micro-programmes, ça, c'est versus le département de la formation continue à Garneau. Il y a aussi la reconnaissance des acquis, qui se retrouve aussi dans plusieurs autres cégeps. Ça, avec l'expertise, on veut le profil de quelqu'un, mais le transformer en diplôme par évaluation ou par des cours. On a aussi une expertise en compétences comportementales adaptées au milieu socio-professionnel. Et sous le même toit, ben, on a l'École d'entrepreneuriat de Québec et bien sûr l'Exportec. Moi, en soi, mon nom, c'est là que je ne me suis pas présentée, mais Mélanie Harvey, moi, je suis responsable en fait TI chez Exportec Québec. Puis Exportec, c'est un organisme en employabilité. En fait, c'est une entreprise d'entraînement. Le monde passe par chez nous pour venir chercher une expérience de travail reconnue et bien actualiser leurs compétences. Puis, bien sûr, c'est de l'apprentissage par le travail. Puis, nous, on veut se concentrer, en fait, beaucoup sur les quatre savoirs. Fait que, bien sûr, le savoir, on travaille sur les connaissances des gens. Il y a le savoir-faire par l'expérience. Puis aussi, quand ils sont chez nous, ben, ils vont travailler pour avoir des mandats réels. Puis, les points que, aussi qu'on veut travailler le plus, puis auxquels on va vous parler aujourd'hui, c'est le savoir-être puis le savoir-donner. En fait, chez Exportec, on commence à mettre des outils pour pouvoir déterminer puis améliorer les compétences comportementales. Puis pouvoir même bientôt les calculer, parce que ça va donner quand même un plus-value pour un profil d'un candidat dans sa recherche d'emploi. Puis grâce à ça, ben nous, c'est sûr, c'est comme une entreprise, fait qu'on a beaucoup de départements, fait que ça passe de la comptabilité, bureautique, bien sûr l'informatique, et mon département qui est technologie de l'information et multimédia, qui est présentement en expansion. Puis même en avril, on va déménager justement au 1530 boulevard de l'Entente, qui est à la même place que le département de la formation continue chez Garneau. Puis on va se trouver même sur le même étage que l'École d'entrepreneuriat de Québec. Puis nous, notre vision, c'est justement, avec cette expansion du département, on veut aller absolument vers l'open source. Donc, c'est sûr, on va être sensible aux données ouvertes aussi. Puis on va vouloir les utiliser. Il y a tous les projets qu'il pourrait avoir, des gens ont des projets, puis ça, c'est pas trop comment les mettre en branle. Donc, il y a une volonté de diriger vers ça. Donc, ça marche plus. Il y a une souris. Ouais. Ah oui, c'est merveilleux. C'est pas long. Donc, ben, c'est ça. Je vais vous parler un peu des données ouvertes dans le domaine de l'employabilité. Avant de faire ça, je vais faire juste un petit parcours pour voir qui sont les acteurs dans l'employabilité, quel type de données présentement existent. C'est un peu le bordel, c'est un peu éparpillé. Mais on va essayer d'élaborer un modèle qui permette de rallier un peu tous les acteurs. C'est un peu l'idée du CV 3.0, c'est d'avoir une espèce de glue, de colle. Mais comme je vous dis, c'est des projets, c'est un peu un fantasme. Quoi, parce que ça, comme on touche à plusieurs acteurs, on est très conscient que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais bon, donc l'employabilité. Puis ben, justement, avant d'aborder ça, ben, on est vraiment sensible à plusieurs enjeux en fait de l'employabilité, puis c'est pour ça qu'on en est venu à notre questionnement. Parce qu'il y a plusieurs changements, on veut se concentrer sur les gens en maintien en emploi, donc vraiment que les candidats puissent, les entreprises trouvent toujours le bon candidat en le moins de temps possible, puis le candidat puisse trouver aussi l'entreprise à son image. Puis on a aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que les compétences comportementales aussi sont de plus en plus importantes. Maintenant, on va voir les gens qui vont passer des entrevues vont être plus, passer en entrevue pour savoir s'ils fit dans l'équipe et non par rapport à leurs connaissances. Fait que ça, on aimerait beaucoup se pencher là-dessus puis uniformiser en fait et pouvoir les mesurer. Donc, ça commence l'employabilité par une personne qui cherche un emploi. En fait, on s'attend à ce que tout le monde entre 15 ans et 70 ans puisse travailler pour couvrir ses besoins, participer à la société. Mais souvent, il y a des problématiques. C'est pas possible pour différentes raisons, des problématiques d'âge, des troubles de cognitifs, handicap culturel, les immigrants. Mais il peut y avoir aussi des mises à pied, des coups durs dans la vie. Toutes sortes de raisons qui font en sorte que l'individu a du mal à se trouver de l'emploi et va avoir besoin d'aide, de ressources pour lui permettre de surmonter ça, de trouver sa place dans la société. Donc, de l'autre côté, il y a des entreprises qui, elles, ont des besoins de main-d'œuvre. Donc, pour réaliser leurs activités, doivent avoir des employés compétents, connaissants, efficaces. Rentable, la plupart ont des intérêts pécuniaires, donc ça c'est l'idéal, mais c'est pas toujours le cas. Eux aussi ont des problèmes de recrutement, de rétention, des pénuries dans certains secteurs d'activité, et aussi tout l'aspect justement, le volet comportemental qu'on veut développer à Exportech, c'est pour s'adresser les questions de conflits interpersonnels. Une personne qui ne cadre pas dans la philosophie de l'entreprise ou avec l'équipe, de pouvoir identifier ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent sur le marché de l'employabilité pour faire ça. Puis on veut faire aussi tomber le tabou parce que aussi dans la société de plus en plus, justement, il y a la réorientation de carrière, puis aussi de plus en plus, le monde change de job fréquemment, comme on appelle le job hopping. Et qu'on veut aussi changer les profils des gens vers plus l'augmentation de leurs compétences, leur polyvalence, et donc que ça soit considéré comme de l'instabilité. Oui, donc, et pour faire ça, il y a un acteur là, incontournable actuellement, c'est le camp. L'incontournable. Le camp. Oui, c'est ça. Donc, le gouvernement qui, lui, a des intérêts des deux côtés, à ce que les personnes soient bien en emploi, à ce que les entreprises aient tout le monde qui leur faut. Donc, agir en tant que régulateur et comme acteur pour stimuler l'économie par différents programmes, différents organismes, chômage, Emploi Québec, c'est simplement des petits exemples, là, mais il y en a une panoplie d'autres. On peut penser aussi aux institutions d'enseignement. Qui font aussi partie de ça. Donc, en offrant des services aux individus et des programmes aux entreprises. Et donc, tout ça, c'est quand même des montants d'argent importants. Puis, ça, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, a besoin d'organismes un peu spécialisés dans différents domaines, sur le terrain, pour arriver à rendre ces services-là. Exportech, nous, on est un de ces organismes-là. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a quoi, une centaine à Québec, je ne sais pas combien, là, on ne les a pas comptés. Il y a le GIT qui est intéressant, c'est pas... non, il dit ça, c'est pas le GIT que vous connaissez, là. Il aide les gens à faire des CV, puis à préparer des entrevues pour obtenir un emploi. Donc, cette activité-là du gouvernement va générer un ensemble d'acteurs qui ont chacun leur niche, qui font un travail très important, mais qui sont souvent isolés chacun de leur côté. Il y a aussi... tout le volet formation, les cégeps, les universités, les collèges privés qui font de la formation continue, reconnaissance des acquis, un paquet de programmes de petites formations pour aider les gens justement c'est adressé aux, c'est pour les individus, mais ça a l'objectif de diriger vers, de les diriger vers un emploi. Donc, ça touche aussi les entreprises. Il y a aussi des programmes directs de subvention. Non, cette chose-là, on va essayer d'arriver rapidement aux données ouvertes, dès qu'on en parlera. Donc, mais il y a aussi, entre les rapports entre les individus et les entreprises, un paquet d'acteurs qui vont émerger. De plus en plus, on voit les compagnies, ils trouvent que c'est cher, les départements de ressources humaines. Donc, ils vont sous-traiter à des agences de placement. Il y a une explosion des solutions en ligne, avec LinkedIn, par exemple, qui ont des API, qui ont des profils de CV et de réseautage. Tout le monde se lance, là, même si j'ai une section emploi, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et tous ces acteurs-là, en fait, génèrent des données, en fait. Ils ont des CV, ils ont soit des CV. Donc, c'est une panoplie de données, des organismes qu'on a vu tout à l'heure. Aussi, ils vont faire des évaluations. Par exemple, ça peut être des... d'orientation. Donc, il va y avoir un spécialiste qui va créer des données, mais qui ont une grande valeur, mais qui vont rester confinés dans des dossiers quelque part. Et puis, souvent, une personne va pouvoir parcourir différents organismes d'employabilité. Et à chaque fois, on va générer des données, mais ces données-là serviront à personne parce que c'est important aussi, mais il y a des enjeux de confidentialité. On touche à des informations personnelles. Donc, présentement, il y a beaucoup d'obstacles à ce niveau-là pour rendre ces données accessibles. C'est des données dupliquées aussi. Dans l'organisme à l'autre, les gens en recherche d'emploi répètent le même processus sans arrêt. Donc, il n'y a pas de continuité dans le temps parce que ces données-là ne sont pas accessibles. C'est-à-dire qu'on va dupliquer à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, selon certains parcours problématiques. C'est des informations qui sont partielles selon un certain champ d'expertise. Donc, mais c'est des données de valeur qui nous coûtent à la société vraiment très cher et qui pourraient être valorisées plus que ça, d'où l'idée du CV 3.0. Veux-tu que j'en continue? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est là? L'idée, c'est pas de dupliquer les solutions qui existent déjà. Il existe déjà plein de gens qui essaient de faire des CV sur Internet pour mettre en relation des gens. C'est pas juste ça qu'on voudrait faire. C'est certain qu'il y a des éléments du CV traditionnel qui sont incontournables. La liste des emplois, les formations, etc. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est rajouter des éléments de qualité, des éléments de continuité dans le temps, c'est-à-dire qu'une personne aurait son dossier, puis s'il parcourt différents organismes d'employabilité, qui viendrait enrichir son profil, son CV. Donc on cherche aussi à être complet, c'est-à-dire pas juste une liste d'emplois, il y a, mais des évaluations par les professionnels. Oui, c'est ça. Déjà, au sein de Garneau, de Convergence Garneau, on a déjà tellement de services, en fait, qui regroupent justement pour faire un profil complet là, pour un individu. Puis c'est ça l'idée là, du CV 3.0, ça sera un peu comme n'importe qui sur LinkedIn. On peut créer son profil, mais nous, le plus-value, c'est que il est en fait validé aussi par des professionnels. Fait qu'il y a, il y a un plus-value, puis aussi, nous, on travaille pour améliorer ce qui ne va pas, puis amener à, justement la personne là, à aller chercher son emploi puis, idéal, pour s'adapter. Là. Puis pour pouvoir les utiliser, ces données, déjà, il faut qu'ils soient en JSON. Il faut aussi, parce que l'objectif, ça serait de mobiliser différents acteurs qui ont des objectifs différents. Donc, d'ajouter une couche sémantique pour que chacun puisse, sans que ça soit juste un paquet de chiffres. Si on parle de CV, par exemple, il y a plein d'analyses sémantiques qui peuvent être faites, lexicales, plus sémantiques, etc. Donc, ça, c'est quand même assez ambitieux, mais c'est un objectif quand même important, je pense, pour l'avenir de ce ce domaine de l'employabilité et des données ouvertes. Et puis, c'est ça, on ne veut pas dupliquer personne, on veut juste apporter une solution complémentaire, accessible à tout le monde en open source et données ouvertes. Ça émane quand même, on ne veut pas révolutionner pour révolutionner le monde, ça émane d'un besoin à exporter, de problématiques qu'on est confronté à tous les jours. Donc, on a imaginé un petit exemple, comment ça pourrait s'articuler au sein de Convergence Garneau. Donc, avec un profil Garneau qui serait justement tout l'ensemble des données que les gens pourraient obtenir et enrichir leur CV au cours de leur processus d'employabilité. Donc, il y a premièrement une espèce de centre de tri, le CEDEC, qui est le Centre d'expertise en développement des compétences. Ouais. Et puis, qui, lui, pour faire l'évaluation des gens, de leur parcours, de leurs besoins, déjà prendrait des données dans le CV 3.0 pour faire ses diagnostics, puis éventuellement creuser et rediriger les gens vers les besoins qui sont le plus adaptés à ce qui pourrait les aider. Parce que c'est ça un peu l'objectif, c'est d'aider les gens à développer non seulement leur savoir. Leur savoir, leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être, donc avec tout ce volet-là qui est assez innovant, qui est très rare sur le marché des données en employabilité. Donc ça, c'est une plus-value qui pourrait permettre aux gens de Déjà, on a des outils chez Exportex, c'est justement Trimo, ouais. Parce qu'on fait l'évaluation, puis le monde peut voir leur force, leur faiblesse au point de vue compétence comportementale, donc c'est mesurable. Puis après, ils peuvent passer par un parcours qui s'appelle le rôle des RH pour justement aller de l'avant pour travailler une compétence ou non. Puis ce qu'on veut, c'est mettre en relation les emplois versus l'entreprise, quel profil en compétence comportementale. Ils veulent enfin leur employer puis pouvoir former, puis créer le profil adapté. Ben, on va passer un petit peu vite parce qu'il y a quand même beaucoup de services là, à Convergence Garneau. En plus des savoir-être, les savoir-faire avec les stages et les formations continues. Puis, ce qui est plus classique, là, ce qu'on retrouve souvent dans un CV, c'est les savoirs, donc les diplômes, les reconnaissances. Mais quand même, il y a là, pour des gens qui sont en problématique d'employabilité, c'est un outil très intéressant là, qui leur aide, qui pourrait leur aider, les aider à faire la gestion de leur dossier. Et il y a des gens pour qui c'est pas facile, juste ces tâches-là. Donc ça, c'était notre solution à nous, mais comme c'est ouvert, comme c'est des données ouvertes, plusieurs acteurs là, pourraient aussi, via une belle API qu'on va faire, bonjour, peut-être cet après-midi. Mais quelle structure, toi? Mais c'est vidéo, là, moi j'attends depuis tantôt, là, vous parlez de votre mission, ça c'est très intéressant. Mais ouais. Qui sont vos données? Puis c'est quoi vos volumes? Puis est-ce que vous avez des données? Les données, oui, c'est ça, les données, là, il y a un volume quand même important, là, de gens qui passent au travers des différents. Mais ça, c'est des données. Mais pour l'instant, les CV, c'est nominatif, là. C'est nominatif. C'est tout contre, je veux dire, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, là, mais des données sur un individu. Okay. Je comprends que les individus veulent s'afficher sur Internet comme on le fait sur LinkedIn, ça devient des données ouvertes d'une certaine manière. Mais il reste qu'il y a beaucoup de données là, sur l'individu qui sont d'abord sur son CV, avant tout confidentielles. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de faire le lien entre publier son CV et données ouvertes, où justement la donnée ouverte, c'est une donnée qui est non nominative, qui peut circuler. Puis, Mais c'est une très bonne question parce que justement, il y a des enjeux présentement là, avec les gens qui mettent leur CV n'importe où. Là, ça met à risque leur données confidentielles. Ça serait quand même sécurisé. Il pourrait y avoir des interactions entre différents acteurs, mais contrairement à peut-être une autre plateforme commerciale ou d'agence de placement, les données seraient contrôlées par les utilisateurs. Et puis là, il y a toute une infrastructure de sécurité, puis des mécanismes de genre j'autorise telle personne, tel secteur. C'est pas des niveaux, une partie des données publiques, OK, j'ai, disons, le travailleur, son domaine, différentes variables qui pourraient être publiques pour créer des statistiques. Et après, c'est pour avoir un niveau intermédiaire qui est accessible par les organismes et les agences de placement, tout ça. Puis il y a un niveau vraiment privé où ce que la personne pourrait, par exemple, dans son profil, prendre des notes qu'elle va partager seulement avec les gens qui la rencontrent en entrevue, par exemple. Je ne veux pas vous savoir, mais tout ce modèle-là que tu viens de décrire, ça s'appelle LinkedIn avec leur modèle d'affaires, c'est exactement ce qu'ils font, tu sais. Non, tu vois, Elasticsearch est en arrière de LinkedIn. Donc, tu payes 30$ par mois pour... Mais c'est pas de la donnée ouverte, je veux dire. Oui, ce que tu vois, là, je me suis connecté tantôt sur les API de LinkedIn, je ne suis jamais allé, là, puis tu vois, si tu n'es pas logué, tu n'as accès à rien, là. Donc, pour moi, ce n'est pas des API ouverts, tu sais. Tu parles de LinkedIn. De LinkedIn. Moi, ce que je voyais, là, c'est des données sur l'état de l'emploi au Québec, où c'est que des jobs. Ça, si vous avez des données là-dessus, ça peut être l'objet. Je peux imaginer là, que tu es un technicien en soudure, puis tu t'en vas dans un site de données ouvertes, puis tu vois en temps réel tous les jobs de soudure, où c'est que se trouve l'industrie de la soudure, où c'est que des soudeurs au chômage. Bien, ça peut t'aider à faire ta démarche. Ça, c'est de la donnée ouverte. Justement, dans mon sens. L'idée, c'est de. On ne peut pas tout faire pour tout le monde non plus. Là. Nous, on est un organisme en employabilité. On a des gens qui ont des besoins. On essaie, nous, ça comble un peu nos besoins. Puis on essaie de voir où on peut s'inscrire par rapport à l'équipe, où on peut se différencier. Et, En fait, je vois avouer que François, c'est un point intéressant. Dans le sens que vous présentez là, je pense qu'il faut faire la différence entre données ouvertes et données exploitables par une machine. Ce que vous proposez, c'est de prendre des CV, les mettre dans un format exploitable CSV, XMCO, dans ce cas-ci, CSV, XML, puisqu'on a des champs normalisés, c'est-à-dire lorsque quelqu'un. Parce qu'on voit souvent, lorsque les gens remplissent un CV, oui, il y a des standards, les gens respectent, mais c'est quand même différent. Tandis que là, si on dit, mettons, on a une case, un champ, combattant de champ, éducation de champ, bref, ça peut être intéressant. La partie exploitable avec le format dans une machine. Par contre, donnée ouverte, comme François a dit, c'est la question de la licence. Qu'est-ce que les gens peuvent faire avec? Et c'est extrêmement important ce qu'on parle justement au niveau des données nominatives, parce que les gens seraient prêts à mettre leur nom, leurs adresses, et dépendamment de la licence qu' il va avoir sur votre site, qui peut être en Creative Commons, je suggère ça de même, non commercial, c'est-à-dire que les gens auraient le droit de la consulter, de télécharger, mais ils ne pourraient pas la réutiliser eux-mêmes dans un but commercial ou pour envoyer des infos pour la même. Ça, c'est intéressant. Puis, si je vois mal, comme dit François, l'utilité de le mettre dans une licence, comme il dit, où ça pose des problèmes d'enjeux de PHP, je veux dire. Ce qui parlait par contre, c'est au niveau de chercher les jobs, ça c'est intéressant. On pense par exemple au portail Emploi Québec. Mettre les données, mettons, Emploi Québec en données ouvertes, ça pourrait être très intéressant. Je peux avoir des contacts avec le ministère du Travail et de l'Emploi de Solidarité Sociale ou encore des sites de placement comme le SPLA et Saint-Université Laval. Y a-t-il des mouvements vers de leur côté? Pardon? Est-ce qu'il y a des mouvements, des volontés d'aller vers la donnée ouverte de leur côté? Bien, le MTSS, par exemple, publie déjà des données ouvertes sur le portail de données ouvertes, des statistiques, justement, des conventions, tout ça. Mais ça pourrait être une suggestion qui pourrait être faite au ministère. Dans le cas de portail Emploi Québec, c'est sûr que lorsque tu as un citoyen qui arrive avec un projet bien défini, c'est sûr que le ministère ou l'organisme va se dire « Hey, wow, là, je comprends pourquoi ça serait intéressant de le sortir en données ouvertes. » Ça, c'est intéressant. L'autre point que vous aviez soulevé, l'histoire des CV en données ouvertes, c'est que j'ai de la misère. En fait, on était ici pour c'est vraiment intéressant d'avoir pour Coaction. Ça permet de la je pense que tu mettre un CV, là, c'est fait LinkedIn, c'est pas de l'open data. C'est ça que je dis, c'est pas. Par contre, je vais vous poser la question, est-ce que vous connaissez l'avalanche? Les statistiques d'avalanche, c'est une statistique d'éducation? Non. Bon. Alors, ça, c'est un bel exemple, là, je suis allé, là, c'est tout sur Internet. C'est une publication annuelle, tous les taux de diplomation, par programme, par région. Au gouvernement, on a même le salaire que l'étudiant fait au bout de 2 ans. C'est de l'information extrêmement intéressante pour dire, hey, si tu t'en vas étudier là-dedans, tu vas gagner combien? Puis au bout de 2 ans, quel est le pourcentage dans ta région de ceux qui sont qui travaillent et qui ont fait leur formation dans tel collège? Ça, là, tu vois, ça en est de la donnée ouverte qui n'est pas ouverte, okay? Parce que tout ça, c'est dénominalisé. Puis d'avoir des statistiques sur qu'est-ce que tu deviens après 2 ans de faire ton programme technique, l'État a tout ça. Ça, c'est de la donnée ouverte. Mais c'est là... C'est pas encore ouvert, ben. Non, mais c'est ça, mais là, on focus sur... le CV, parce que nous, on a la capacité de produire non seulement les éléments factuels du CV, mais en plus d'apporter des validations une personne. Donc c'est. Mais c'est un service. C'est un service qui est déjà là, qui existe déjà, qui génère des données, qui pourrissent dans un tiroir quelque part. On propose seulement de les valoriser. Donc, il y a ça, puis, mais je suis d'accord avec les éléments aussi statistiques, et éventuellement, il va y avoir du volume. Si on réussit à peut-être intéresser d'autres cégeps, donc on va avoir du volume. On va pouvoir générer des statistiques qui sont des anonymes, et puis qui vont pouvoir être comparées à des API de veille sur le marché de l'emploi. Comparer, par exemple, est-ce que les actions que nous on fait en termes de formation correspondent vraiment aux besoins. Mais là, présentement, là, il y a plein de gens qui bougent, c'est fun, ça bouge, il y a plein de projets partout, mais c'est encore difficile d'obtenir ces informations-là. Puis là, nous, on propose un truc, puis on aimerait ça que les gens se plugent. On essayait de voir comment justement on peut s'allumer avec les projets du... j'ai oublié le nom de ce que tu me disais là. Vous m'en avez nommé plein là, tantôt, je vais reprendre des notes là, mais donc c'est un peu ça là. Oui. Excuse-moi, si je comprends bien, ça serait un projet comme plus standardisé là, pour chaque individu, pour toutes les informations que chacun passe maintenant pour les entreprises, disons, qui ont affaire à ça. Il y a un peu ça, oui, c'est certain que... Oui. Donc, ça serait une espèce de CV. Éventuellement, la personne pourrait transiger directement avec un employeur ce dossier-là, qui serait son CV, plus des accréditations de différents organismes. Notre idée, là, peut-être que je n'ai pas bien exprimé, c'est que des spécialistes seront en expertise de compétences, que je vais... C'est pas juste un CV sur LinkedIn. Que n'importe qui, n'importe quoi. Il y a une certification, il y a des mécanismes comme ça. Et puis, il y a une question de confidentialité, oui. Si un organisme met une évaluation de compétences, cette donnée-là n'est pas publique, elle doit passer par une autorisation pour être autorisée. Que la personne soit autorisée, à moins que ce soit pour des fins statistiques, qu'il n'y ait pas de nom de l'adresse. Mais ça, il y a pas plein de monde des avocats, je ne sais pas, plein de gens qui vont passer là-dessus, là, avant que ça soit mis sur pied. Ouais, une chose pour revenir peut-être aux questions se posées avant, je comprends que ce n'est pas dans le désir de mettre les CV de façon ouverte. Je pense qu'il y a une ici pour justement savoir ce qui est possible de faire, ouais. Et c'est plutôt tard pour moi. Puis pour ce que tu viens juste de dire, les certifications, où je vois ça, c'est peut-être un peu de tranchant. Pour les gens qui sont. Les gens qui sont. C'est très facile de trouver un emploi, ils ne sont pas juste pas intéressés, dans le mode de certification. Puis ceux qui ont de la misère à se trouver un emploi, là, ça va juste leur mettre les bâtons de l'héros. C'est vrai qu'il y a des risques. Notre objectif. On est là pour aider les gens qui ont de la misère. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques, oui, mais. Mais non, mais c'est ça, nous, justement, on travaillerait pour toutes les forces. Si les personnes, dans le fond, ils ont de la misère à se trouver un emploi, bien, on va les prendre en charge, puis d'y aller plus dans les compétences comportementales, puis on va faire un processus, exemple, de nos DRH avec eux, pour les amener, justement, à développer certaines caractéristiques de leur personnalité pour mieux fitter avec leur profil d'emploi. Et puis, par rapport à LinkedIn, justement, ce qui pourrait être envisageable, c'est à partir des données qui sont là, des outils de services qui vont mettre à jour des données sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux en période de recherche d'emploi, faciliter la vie de tout le monde. Est-ce que c'est trouver des nouveaux emplois? Ben oui, on peut faire plein de choses avec ça. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'ajouter des fonctionnalités du type moi, présentement, j'occupe tel emploi, mais j'ai telle aspiration. Oui. Je voudrais. Oui. Et puis, il pourrait y avoir des mécanismes de veille, justement, quand les données ouvertes de tout le monde sont bien rodées, là, de veille qui avertit, bon, toi, tu veux faire ta chose dans la vie, ben là, il y a des formations, il y a des opportunités pour toi, etc. Donc, ça, c'est pas des données ouvertes au sens strict, mais c'est quand même intéressant, je pense. Donc, justement, là, la fin, c'est toutes les technicalités, là, avant d'arriver là, bon, il y a des questions qui arrivent avant de donner. Mais moi, je pense que si c'est pour venir produire, là, maintenant, pour que tous les groupes qui sont dans la recherche d'emploi, c'est possible aussi pour que les individus, disons que si c'est pour genre standardiser ça, c'est correct, mais pour, comme ça, on va savoir que le même service, ça se donne un peu partout, par tous ces organismes. Oui, ben, je trouve. Pas dans le fond, ce qu'on pourrait venir à créer, non pas nécessairement une donnée ouverte au sens strict de la donnée ouverte, mais probablement que ce que vous cherchez à créer en premier avant une donnée ouverte est un standard ouvert. Un format de fichier, un standard qui, après ça, ce standard-là, on pourra le découper en une partie publique, une partie justement avec un niveau de confidentialité, vous pourrez appeler moyen, et un niveau ultra confidentiel, puisqu'on pourra même inclure des données type numéro d'assurance sociale, des choses comme ça, qui va juste à l'employeur qui est sécurisé. Peut-être avant de passer au monde de données ouvertes, peut-être passer à un format ouvert, un standard utilisé par tous les organismes. On crée un standard commun pour tous les organismes qui travaillent dans le domaine de l'emploi. Mais ça, c'est difficile justement parce que oui. Chacun a leurs intérêts. Chacun font leur truc, chacun peut-être peut avoir peur de ça, peut vous percevoir comme des concurrents, je ne sais pas. Ouais. Justement, pour ça, ben, on est en train de penser comment faire pour la vie mondiale. On va commencer un peu au Québec. Ouais. Ben, essayer peut-être l'automne, on commence des discussions avec les gens. Moi, ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est de mettre en même temps des guides, des gens qui sont comme nous là, aujourd'hui. Là. Et les gens qui sont dans le domaine de l'employabilité, discuter de leurs besoins, discuter comment eux voient la chose et essayer de manière un peu comme ça de les convaincre que tout le monde a un intérêt à ça. Parce que présentement, il y a plein de choses qui se font et qui pourraient être valorisées par les données ouvertes. En fait, c'est un peu ça le message d'aujourd'hui, c'est de dire les données ouvertes, il y a vraiment là quelque chose d'intéressant. Là, c'est pas une affaire de quelqu'un dans... Je pense que tu le résumes bien, non? Ouais. Si vous voulez, premièrement, si vous voulez des données ouvertes dans le domaine d'employabilité, ceux qui ont des données doivent être contactés et dire « donne-moi tes données ». Alors, c'est les gouvernements. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est que des groupes d'acteurs dans le domaine, comme vous, vous vous regroupiez, puis vous dites « écoute, là, on est 10, on aimerait ça avoir accès à ces données-là, puis que toute la communauté que nous qui travaillons avec ces données-là, ben, on n'a pas besoin de les grappiller ». Rappelez-vous, c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec l'exemple de données ouvertes, c'est les horaires d'autobus. Ben, je veux dire, au début, c'était des compagnies qui voulaient faire de la business avec ça, et ce sont devenues des données ouvertes selon les standards. Créer un standard de données internationales pour des trajets d'autobus. Et je pense que la première étape, c'est que les autres organisations comme vous, qui dans d'autres domaines sont en compétition constante, parce que tous ces organismes essaient d'avoir une avancée, c'est que vous vous entendiez sur « on va travailler ensemble ». Puis après, on va aller voir le fédéral, le provincial, on va dire, écoute, nous, on est un consortium, vous avez les données qui nous intéressent pour faire notre job, libérez-les, vous allez voir que nous, comme communauté, on va utiliser ces données-là pour donner de la valeur au CV des gens qui cherchent un job. Ouais. On travaille déjà ensemble. C'est comme ça, puis de parler à la fois à ces gens-là et à toute la communauté de développeurs, de données ouvertes, de produits open source. Voilà, donc si vous avez des idées... On peut en parler au dîner. Merci beaucoup. Ouais, ben merci. Merci. Je pense qu'on va peut-être un peu développer.